3. Cette petite phrase est l'abrégé de tout le système. Pénétrez-vous-en. Elle explique toutes les théories de Mill. C'est à ce point de vue qu'il a tout défini. C'est d'après ce point de vue qu'il a partout innové. Il n'a reconnu dans toutes les formes et à tous les degrés de la connaissance que la connaissance des faits et de leurs rapports. Or, vous savez que la logique a deux pierres angulaires, la théorie de la définition et la théorie de la preuve. Depuis Aristote, les logiciens ont passé leur temps à les polir. On n'osait y toucher que respectueusement. Elles étaient saintes. Tout au plus, de temps en temps, quelques novateurs osaient les retourner, avec précaution, pour les mettre en un meilleur jour. Mill les taille, les tranche, les renverse, et les remplace toutes les deux, de la même manière et du même effort.